La Corée a mis au monde des livres efficaces à la transformation du pays en puissance des talents scientifiques et techniciens. Les éditions scientifiques et encyclopédiques de Corée ont publié Usage des vocabulaires, 8e partie, La morale et l'homme, édition supplémentaire, Vie des éléments mathématiciens et leurs exploits, ainsi que d'autres livres des connaissances scientifiques et techniques. Les maisons d'édition de l'industrie, de l'agriculture, des sciences sociales et des livres en langues étrangères et autres éditions aussi ont fait paraître des livres de divers secteurs.